Je tire la sonnette d'alarme, car chez moi trop de mères se baignent dans leurs larmes. Les armes ont pris vos frères, c'est nous, c'est les gyrophares, c'était des personnages phares. Karim et Enrico n'ont pas eu le temps de prendre de l'âge. État d'âme de damné, mais pourtant déterminé. VR Pops Big marche en France comme en terrain miné. Patrimoine du ghetto. Eh ouais, frollo. C'est pour les anges du ghetto qui sont partis trop tôt. Victime d'une balle ou d'un crash en moto. Trop jeune pour que la mort nous fasse défaut. Personne n'est parfait mais 17 ans c'est trop tôt. C'est pour les frères qui sont partis trop tôt. Victime d'une balle ou d'un crash en moto. Trop jeune pour que la mort nous fasse défaut. Personne n'est parfait mais 17 ans c'est trop tôt. C'est un message pour la jeunesse meurtrie. Mais la police ont été meurtriers. Là n'est plus la question car ils sont partis. Comme le petit Karim sans virage du lundi. Et de ce drame qu'est-ce que vous sentiez. Résultat d'une vie qui m'attriste. En moi c'est l'incendie. Réveille-toi et respire le parfum de la chronique. C'est un petit frère du quartier qu'on a perdu. Fatal destin comme un brûlis pointé sur ta progéniture. Y'en a marre de ces meurtres crapuleux. Des accidents de foulets qu'à la base on voulait grimper. En évitant que des keufs nous soulèvent. Maintenant faudrait que ta mort nous serve de conseil. On t'aime Karim, c'est gravé sur les murs des prêles. Bref encore des parents qui vont jamais faire le deuil. Hommage aux disparus que la rue nous a pris. Comme Nabil, Riyad, Hubert, Zahir ou Ali. Les frères n'oubliez pas que la mort fait partie de la vie. 93 hardcore sur le parfait, j'en prends vie. Ces frères qui partent vite en nous laissant un grand vide. Qu'ils font que la nuit, trouver le sommeil c'est pas facile. Seul dans ton plumard c'est tes cauchemars qui t'assassinent. Pour tous les frères de rue qui meurent pour des broutilles. Faut éviter d'être impulsif en sortant les outils. Car aujourd'hui faut que t'assumes tes rêves. Oui, j'ai trop la haine parce que nos frères s'allument comme un super M. C'est pour les anges du ghetto que la faucheuse a brisé toutes ces larmes crépusculaires que le soleil a séché. Y'a trop de tchèquards qui pleurent un absent. L'espoir n'est qu'à t'absendre. Les bifetons dans un bain de sang. Fiston t'es en plein dedans. Patrimoine du ghetto. Fais Pélec sur la route si ton auto possède un moteur vessier. Ce routard d'un destin cimenté. Rescapé d'une vie tourmentée. J'ai une pensée pour tous les frères qu'ont leurs parents décédés. Faut pas mourir bêtement voulant quitter cette chaîne de vie, que tu viennes d'Aubert, la Courneuve, Stein, Montreuil ou Saint-Denis. Épinay, Drancy, Pantin ou Bobigny. Trop de jeunes dans les cimetières qui n'avaient pas fini de vivre. Ange du ghetto. Trop vite parti et qui manque à leur famille. Ange du ghetto. La mort accidentelle peut nous laisser des séquelles. Ange du ghetto. Trop vite parti et qui manque à leur famille. Pour eux, cesser le feu et calmer les émeutes. C'est pour les anges du ghetto qui sont partis trop tôt. Victime d'une balle ou d'un crash en moto. Trop jeune pour que la mort nous fasse défaut. Personne n'est parfait, mais 17 ans c'est trop tôt. C'est pour les frères qui sont partis trop tôt. Victime d'une balle ou d'un crash en moto. Trop jeune pour que la mort nous fasse défaut. Personne n'est parfait, mais 17 ans c'est trop tôt. Enrico, repose en paix. Toi qui nous as quittés trop tôt.